Dossier 2, livre page 26. Maurice a une moto ? Non, il a une auto. C'est à toi ce chapeau ? Non, c'est à ma sœur. Allô, c'est Olivier.